Ma rue c'est la tienne, ta rue c'est la mienne. Parce que partout c'est la même, partout c'est la merde. Dans ma rue, tu pourras y trouver toutes sortes de drogues. Des mecs qui parlent à la street sont vraiment trop éprouvés. Dans ma rue, les minots ont la dalle. T'envoies des joutes verbales comme la dalle. Ta graisse pour ton portable. Dans ma rue, ça fait la manche à chaque feu rouge. Les poissons des blocs accélèrent pour esquiver au feu vert. Dans ma rue, ça paye pas d'impôts. Tous rêvent de toucher l'autoclaque. Leur RS ça mise tout sur les chevaux. Dans ma rue, les darons préparent leur sachet. C'est une part de leur cœur qu'elles laissent une fois sortis du resto. Dans ma rue, y'a ce technicien de surface qui ramasse la crasse qu'on entasse durant toute la soirée. Dans ma rue, rien que ça bouge, c'est la merde. On emploie tous le système D comme des merdes. Derrière un mic, on t'emmerde. Dans ma rue, l'air est nocif, bâtiment agressif. Le temps est gris, les briques sont rouges, l'ambiance est corrosif. J'ai fait le tour de la ville, nos rues sont toutes les mêmes. On subit tous le système, rire, pleurer, chrysanthème. Salam, frère, la paix pour toi et tous les tiens. Ma rue, c'est la tienne, on emprunte tous les mêmes chemins. J'ai fait le tour de la ville, nos rues sont toutes les mêmes. On subit tous le système, rire, pleurer, chrysanthème. Salam, frère, la paix pour toi et tous les tiens. Ma rue, c'est la tienne, on emprunte tous les mêmes chemins. Dans ma rue, y'a rien à faire, on traîne entre frères. On est toujours à la recherche d'un plan qui paye. Dans ma rue, tu nous vois sans les vrais, rouler sans mes berges. J'aime les vrais, Mike, quand le froid de l'hiver, sous mon cœur vient s'agripper. Faut que je récupère dans ma rue, faut que je fais du blé. Faut que je vois la force, mes frères, dans la rue se décupler. Je pose des couplets sombres, font des sous à chaque saison. Le gamos, une belle maison dans ma rue. Pour réussir, faut faire du fric, ce qui marche, c'est faire du chip. Ma rue donne des frissons, ma vie n'est pas une fiction. Moi j'affectionne ma rue, même sous la pluie, sous la nuit. Dans ma rue, je vois des pavés passer par la ville. J'ai fait le tour de la ville, nos rues sont toutes les mêmes. On subit tous le système, rire, pleurer, chrysanthème. Salam, frère, la paix pour toi et tous les tiens. Ma rue, c'est la tienne, on emprunte tous les mêmes chemins. J'ai fait le tour de la ville, nos rues sont toutes les mêmes. On subit tous le système, rire, pleurer, chrysanthème. Salam, frère, la paix pour toi et tous les tiens. Ma rue, c'est la tienne, on emprunte tous les mêmes chemins.